Hello and welcome, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Eric Cooper et je suis aux commandes de la Croisière Folk. Durant 60 minutes, je vais vous offrir le meilleur de la musique folk. C'est avec Addison Hagen et la chanson Emma que nous avons démarré, When Morning Come. Et c'est son nouvel album, album sorti en 2021. C'est de l'Americana, c'est un style de musique qui est l'une des composantes de la croisière folk, n'en déplaise aux puristes. Ben en fait, ça ne veut rien dire, le mot puriste. Hein. Bref, avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler que nous avons une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. N'hésitez pas, bien sûr, à la liker. Comme ça, vous serez membre de la grande famille des auditeurs de La Croisière Folk. Don't forget to like the Facebook page of this radio show called La Croisière Folk, so you can be part of the big family when you like the page. Et je voudrais vous rappeler aussi, tiens, Vous avez sans doute entendu dans les infos que la Belgique a été frappée par d'énormes inondations. Il y a à ce jour 10 000 personnes qui sont sans logement et on ne sait pas très bien comment on va les reloger. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de la Croix-Rouge de Belgique. Et là, vous trouverez un petit numéro de compte. Donc n'hésitez pas à aider, à verser même 1 euro ou 1 dollar. Vous savez que ce sont les petits fleuves, les petites rivières qui font les grands fleuves d'avance. Merci. Allez, on poursuit avec Helen Lennon. Only Love Can Break Your Heart. C'est aussi de l'Americana, cet extrait de son album éponyme sorti en 2020. C'est son premier CD, Wade Manor and Trio, The Girl I Left in Sunny Tennessee, pour suivre, et Blackmore Night, Empty World, extrait de leur album Secret Voyage, un album sorti en 2008. C'est le programme musical, je viens de vous le donner, pour ce début d'émission, La Croisière Folk. Ah, bah écoute, alors là, c'est magnifique. C'est vrai, ça te plaît? Ah oui, comment dire, c'est très impressionnant. No silver needle, thread of gold, can sew a hem on stories still untold. Of all the things that love can be, the miracles, the tragedies, oh no. Along that winding road, through the tunnel towards the light. Hearts have broken many times, but love's still worth the fight. 'Cause only love can make you fly above the clouds, the sun-kissed skies of dreamy blue. Only love can break your fall, patch you up, make you feel whole if love is true. But only love can softly pull your seams apart. Only love can break your heart. One day I know I'll find the one who'll steal me from old heartbreak's arms. Till then I know I'll be just fine, mend this heart one stitch at a time. I've known love and I've known loss, the easy and the tough. I'll chance the bitter for the sweet, I'm not giving up on love. 'Cause only love can make you fly above the clouds to sun-kissed skies of dreamy blue. Only love can break your fall, patch you up, make you feel whole if love is true. But only love can softly pull your seams apart. Only love can break your heart, can build you up, can tear you down, can make you feel so lost and make you feel so found. Only love can softly pull your seams apart. Only love can break your heart. Only love can softly pull your seams apart. Only love can break your heart. On one morning bright

À l'instant, le groupe de folk rock britannique Blackmore's Night avec Empty World. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si vous êtes un nouvel auditeur, que vous êtes peut-être distrait parce que vous ne vous rappelez plus ce que c'est un 2-3, eh bien c'est la découverte d'un album en 3 chansons. Et aujourd'hui, c'est l'album de Jeremy Garrett Circle, un album sorti en 2020. Et en tant que membre du groupe Infamous String Duster, qui a été récompensé par un Grammy, Jeremy Garrett est connu pour son jeu de violon et son style vocal audacieux. Aujourd'hui, avec la sortie de son album Circle, qui est un album solo intime et varié, il nous rappelle de manière convaincante que la créativité de certains artistes a besoin de plus d'un débouché pour s'épanouir pleinement. Alors, dans cet album, il utilise un ensemble d'effets soigneusement assemblés pour créer des compositions basées sur les music roots. Jeremy Garrett boucle et superpose ses instruments et ses voix tout au long de l'album. Cette technique est particulièrement remarquable dans les instrumentaux qu'on trouve dans ses albums. Donc, ce dernier transforme un air traditionnel favori de longue date, Angeline the Biker, en un rave-up virtuose du 21e siècle. Et ça nous rappelle pourquoi Garrett est connu pour ses prouesses au violon. On écoute 3 morceaux donc extraits de cet album Circles, Baker's Jam, The Highway et Travel Light. Thank you. made my mind up in the morning. I'm gonna leave this place behind. They can't say they've had no warning. I've been showing all the signs. It's been a long, long time coming. But every dog will have his day. The lights are on, the engine's running. It's time to make my getaway. Get out on that highway and roll. Hit the gas and let her go. Let's travel. It's not for everyone to do. Between the blacktop and the gravel, how you go? Well, it's up to you. Inside. faith in the questions. Keep your eyes on what lies ahead. Travel light and you're bound to travel. L'album Circles que nous avons découvert aujourd'hui dans 1, 2, 3 de Jeremy Garrett. Trois morceaux, Baker's Jam, The Highway et Travel Light. Si vous avez aimé les trois morceaux, eh bien je suis sûr que vous allez adorer cet album qui est digne de figurer dans votre discothèque folk. On va parler un petit peu des druides si vous le voulez bien. Avec un livre qui a été écrit par Mathieu Alford, qui est ingénieur agronome de profession, qui connaît très bien l'univers des druides. Alors le livre s'appelle « De la science ésotérique des druides aux sciences modernes, un regard contemporain sur la spiritualité des Celtes », paru aux éditions Academia. En fait, il faut savoir qu'il y a de nombreux ouvrages qui ont été rédigés sur les Celtes, mais malheureusement, le druidisme demeure une spiritualité méconnue de l'histoire des religions. Je brouble, comme on dit en Belgique. Et donc, dans ce livre, il nous parle des druides, et ça tombe bien parce que je l'ai interviewé, Mathieu Alford, et si vous avez envie d'entendre l'interview et apprendre plein de choses sur les druides, vous allez sur soundcloud.com, vous cherchez les interviews d'Eric Cooper. Vous pouvez simplement sur Google aussi taper les interviews d'Eric Cooper, puisque je suis un petit peu partout sur Google Podcast, sur Spotify, sur Radio Line, etc. Et on écoute, allez, assez blabla, je vous propose qu'on écoute un extrait. Alors l'intérêt remonte à mon adolescence, à vrai dire, où j'ai commencé à m'intéresser aux anciennes spiritualités, et plus particulièrement aux spiritualités proches de la nature, donc dans une quête de nos racines, de mes origines finalement. C'est là que j'ai découvert le druidisme et cette philosophie, et notamment tous les aspects philosophiques qu'il développait, aspects scientifiques également, et qui là rejoint plus ma formation professionnelle. Donc c'est l'alliance des deux qui m'a particulièrement plu, alliée à la fois science et spiritualité. Oui, parce qu'on le précise, vous êtes ingénieur agronome. Voilà, ingénieur industriel agronome plus précisément. Et je me suis plus spécifiquement orienté dans l'environnement, l'écologie et la conservation de la biodiversité. Et dans votre métier, vous trouvez des sortes de parallèles entre les druides et l'ingénieur agronome que vous êtes ? Par rapport à l'approche qu'ils avaient, par rapport aux sciences de la nature, bien évidemment, puisque les druides étaient de fins observateurs de la nature, ils maîtrisaient la botanique, l'herboristerie, et là, dans mon métier, on étudie beaucoup les systèmes vivants, la flore en particulier, donc oui, certainement par rapport à la botanique, ça peut constituer un point commun par rapport à une des disciplines que les druides étudiaient. Mais dites-nous un petit peu, un druide, c'est quoi exactement ? Alors, il faut distinguer, à vrai dire, le druide d'aujourd'hui du druide de l'Antiquité. On va plutôt se référer ici aux druides de l'Antiquité, tels qu'ils étaient décrits par les auteurs gréco-latins. C'était des personnages qui détenaient l'autorité suprême à l'époque de la société celtique. C'était eux qui détenaient le savoir. C'était des personnages aux multiples facettes, à vrai dire. Ils étaient à la fois instructeurs, prêtres, philosophes, c'est eux qui enseignaient aussi toutes ces disciplines à la jeunesse, et ils apprenaient, ils maîtrisaient toute une série de techniques, toute une série de disciplines scientifiques. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir les druides, il y a bien sûr le livre de Mathieu Alford qui s'appelle « De la science ésotérique des druides aux sciences modernes, regard contemporain sur la spiritualité des Celtes ». C'est paru aux éditions Academia. Et si vous voulez écouter son interview, eh bien vous allez sur soundcloud.com dans les interviews d'Eric Cooper. Allez, tout de suite, Cinderella, From Town to Town, c'est du folk rock des Pays-Bas, le morceau date de 1971. Ensuite, BMB, c'est encore du folk qui nous vient de Hollande, avec les Vignerons, et pour la petite histoire, c'est Luc, Nick et Wouter qui sont trois musiciens de folk hollandais. Ils se sont mis ensemble pour créer ce trio BMB, sortir leur premier CD qui s'appelle Gewind Wel en Tal. Tu trouveras une langue, c'est la traduction en français. L'album est sorti en 2021. Si vous avez envie de l'acheter ou envie d'en savoir plus, vous allez sur leur site, hein, www.bmbfolk.nl. bmbfolk.nl. Alors, il y a une chose que je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que le CD, est-ce que le site, il est en néerlandais? Eh oui, parce que je viens, en fait, là j'ai hésité un petit peu. Donc le site est en néerlandais, mais c'est pas grave, parce qu'il y a des tas d'outils de traduction qui, j'en suis sûr, pourront vous aider. Donc bmbfolk.nl. Ensuite, un groupe allemand de ce qu'on appelle Pagan Folk. Le groupe s'appelle Faune et on écoutera Walpurgisnacht. Ça date de 2014. Thank you. traite dame ma vie, il y a des beaux raisins à votre goût. Belle entrée dame ma vie, il y a des beaux raisins à votre goût. Il y a des beaux raisins à votre goût. À le raisin blanc, à le raisin doux. J'en cuire bien un panier avec vous. À le raisin blanc, à le raisin doux. Dans la vie qu'elle a trouvé bien en son goût. La belle fut pas dans la vie qu'elle a trouvé bien en son goût. Elle a trouvé bien en son goût. À la raisin blanc, à la raisin doux. Mon vigneron, gardez-moi près de vous. À la raisin blanc, à la raisin doux. Träume klingen und die Winde werden unsere Lieder singen. Dans le premier podcast que je vous ai présenté, on parlait des Celtes. Et puis maintenant, on va interviewer Alexandra Bragina, qui est une jeune éditrice qui est passionnée d'égyptologie. Elle a fondé en 2016 la maison d'édition Flamingo. C'est une maison d'édition belge à la ligne éditoriale variée. Et elle publie à compte d'éditeur des livres en version papier et électronique. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview que vous trouvez bien sûr dans les interviews d'Eric Cooper sur SoundCloud, Spotify et plein d'autres. Donc j'ai découvert l'égyptologie quand j'étais petite, comme beaucoup de passionnés d'égyptologie. En fait, on tombe dedans très très jeune. Et puis quand j'étais en histoire de l'art, en fait, à un moment donné, il faut faire un choix d'orientation. Et au début, je m'étais orientée vers l'art contemporain, mais au final, je suis revenue à mes premières passions, donc l'égyptologie. Donc c'était hier, un petit bond de 4000 ans, réorientation. Et voilà. Si ça avait été techniquement possible, est-ce que les anciens égyptiens auraient pu écrire un roman avec les hiéroglyphes ? Mais en fait, techniquement, c'était possible, c'est juste que le rapport à l'écriture était très différent. C'est-à-dire que nous, on écrit tout le temps. On écrit des SMS, on écrit des statuts Facebook, on écrit des statuts Twitter, on écrit tout et n'importe quoi. Alors que les Égyptiens, eux, pour eux, l'écriture, c'était vraiment quelque chose... ils avaient un rapport de... Enfin, plus précieux, on écrivait que ce qui était important, mais sinon, il y a des récits littéraires égyptiens. On va quitter le pays des pyramides pour parler de votre maison d'édition, donc c'est Flamingo. Pourquoi vous avez un jour décidé de créer une maison d'édition ? Ben, j'ai toujours été très portée dans le créatif, dans le littéraire. Je lis des livres depuis toute petite, d'aussi longtemps que je me souvienne. Ben, j'ai toujours été entourée de livres. Je suis moi-même autrice éditée. Et comme on m'a donné ma chance avec mon petit livre, je me suis dit tout naturellement... Pourquoi pas créer quelque chose moi-même aussi, apporter ma petite pierre à l'édifice. D'où vient le nom Flamingo ? C'est une excellente question. Je pense que c'est venu un peu au hasard, entre guillemets. Et je trouve que c'est pas plus mal parce qu'au final, Flamingo, c'est un mot qui se dit, c'est un mot qu'on comprend dans toutes les langues, on sait le prononcer dans presque toutes les langues. Et comme la maison d'édition a quand même une portée internationale, je trouvais que ça se mettait bien. Puis c'est joyeux, c'est original, c'est mieux. Enfin, je trouvais que c'était mieux que de composer un nom à partir de mon nom ou quelque chose comme ça. Alexandra Bragina, donc Flamingo Édition. N'hésitez pas à les chercher sur Internet parce qu'ils ont des livres assez sympas d'ailleurs. Donc Alexandra Bragina, vous la reconnaîtrez puisqu'elle a des lunettes et un grand sourire. Vous allez donc sur soundcloud.com dans les interviews d'Eric Cooper. Tout de suite, voici Belle Grande Fille avec Femme Objet, extrait de son album Nos Maisons, sorti en 2021. C'est son premier album complet. En fait, elle s'appelle vraiment Anne-Sophie Doré Coulombe. Belle Grande Fille, c'est quand même mieux. Ensuite, Le Vent du Nord avec Confédération, extrait de l'album Têtu, paru en 2015. Et puis War, un groupe belge avec Railleux. C'est le programme que je vous propose d'écouter tout de suite. Moi, j'aime. Sur la dash de ton char, clôture-moi, secret de bord en bord, crochette-moi, entre toutes tes mailles, empoigne-moi, je suis un gouvernail, parcours-moi, dis que ma terre est pauvre, trafique-moi, d'un cartel à un autre, émonde-moi. De mes branches intro, refonds-moi, je suis ton matériau. Femme, objet. Lessive-moi, que mes taches disparaissent, égrène-moi, entre tes doigts célestes, chiffonne-moi, et mets-moi dans ta poche, assure-moi, je suis un dessin moche, affûte-moi, dis que ma lame est chaude. qu'à l'aube siphonne moi. De l'essence à la moelle saccage-moi. Je suis une chambre d'hôtel. Je m'en fous parce que comme ça, moi, je peux rentrer à ma maison. C'est pas que j'en ai rien à foutre de vos histoires, mais je dois visionner la saison 17 des Feux de l'amour, parce que j'aime bien ça revient. Connaissez-vous l'histoire du beau grand Canada, ce pays emprunté qui fut fondé trois fois? Ce pays emprunté qui fut fondé trois fois. On nous l'a bien fait croire, pays bilingue égal en droit, pour que les francophones ne se soulèvent pas. Pour que les francophones ne se soulèvent pas. Ils ont bien évité de rebaptiser le pays, nommé Borealia, leur nouvelle colonie. Nommé Borealia, leur nouvelle colonie. Ils nous ont fait cadeau d'une bien étrange liberté, pour que les francophones ne se soulèvent pas. Pour que les francophones ne se soulèvent pas. S'éteindre les enfants de quartier. Les mousses des McGill s'étaient bien engagés. Les mousses des McGill s'étaient bien engagés. Dans la clique du château avait des ficelles à tirer, pour que les francophones ne se soulèvent pas. Pour que les francophones ne se soulèvent pas. Fédérateurs rêvaient qu'on se sabote, mais au retour d'exil de chez le roi Despot. Mais au retour d'exil de chez le roi Despot. Les Français furent sauvés par un expatriote, pour que les francophones ne se soulèvent pas. Pour que les francophones ne se soulèvent pas. De solitude, assez loin des combats, une nouvelle capitale entre deux Canada. Une nouvelle capitale entre deux Canada. Après les cendres de Montréal, on choisit la ville d'Ottawa, pour que les francophones ne se soulèvent pas. Pour que les francophones ne se soulèvent pas. Sommes-nous qu'un préfixe à cette fédération? N'avons jamais signé la chaîne constitution. N'avons jamais signé la chaîne constitution. Les Français d'Amérique ont toujours un pays sans nom. Pourquoi les francophones ne se souviennent pas? Pourquoi les francophones ne se souviennent pas? Pourquoi les francophones ne se souviennent-ils pas? The COVID-19 vaccines have been thoroughly tested and all provide a high degree of protection against getting seriously ill and dying from the disease. So take whatever vaccine you are offered, even if you have already had COVID-19. it is important to be vaccinated as soon as possible and not wait. This way, we build immunity in our communities faster and can get back to our normal lives. This message is brought to you by UNESCO, WHO, and your local radio station. Temps de se quitter. Merci à vous, bien sûr, d'avoir écouté cette croisière folk. Merci à vous pour tous ceux qui envoient des messages aussi, pour tous ceux qui likent la page Facebook. Don't forget to like the Facebook page called La Croisière Folk. Donc, n'oubliez pas de la liker. Au travers de cette page, vous pouvez nous envoyer des petits mots, hein, parce que c'est vrai que parfois, vous avez envie de... Comme le trio BMB, hein, c'est par Facebook, hein, c'est Water qui me dit « Coucou Eric, on communique en anglais lui et moi, mais on a un nouvel album, est-ce que tu veux le diffuser ?» J'ai dit oui, parce que j'aime bien ce que fait Water. Donc voilà, faites de même aussi si vous avez sorti un album folk ou que vous souhaitez peut-être promotionner des activités folk, des concerts ou des festivals, eh bien vous passez par notre page Facebook « La Croisière Folk ». On se quitte avec Sourdine. Sourdine, c'est un groupe belge. Ils ont sorti en 2006 un album éponyme. On écoute le morceau Rue Béliard. Alors, Rue Béliard, c'est une rue qui se trouve dans le centre de Bruxelles, pas loin de la rue de la Loi où se trouve notre Parlement. Et je voudrais rappeler également qu'en Belgique, pour le moment, on vit des situations très difficiles, surtout dans l'est de la Belgique. Il y a eu des énormes inondations. C'est incroyable. D'ailleurs, si vous avez l'occasion sur les réseaux sociaux de voir des photos, mais c'est affreux. Franchement, je n'aurais pas voulu être là. Des maisons ont été dévastées. D'ailleurs, il y a 10 000 personnes qui sont actuellement qui n'ont plus de logement. Donc, si vous avez envie de donner un petit coup de main, peut-être financier, de faire un don, vous n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la Croix-Rouge de Belgique. Et là, vous verrez un numéro de compte. Donc, même si vous ne versez qu'un euro ou un dollar, eh bien, les petites rivières font les grands fleuves d'avance. Merci. Et donc, on se quitte avec Sourdine, Rue Béliard. Je vous retrouve la semaine prochaine et bien sûr, que la force soit avec vous. I'll be back. Tous les vaccins contre la COVID-19 ont été testés de manière approfondie et tous offrent un degré élevé de protection contre les formes graves de la maladie et les risques de décès. Faites donc le vaccin qui vous est proposé, même si vous avez déjà eu la COVID-19. Il est important de se faire vacciner le plus tôt possible et de ne pas attendre. De cette façon, nous renforcerons plus rapidement l'immunité dans nos communautés et pourrons reprendre une vie normale. Ce message vous est présenté par l'UNESCO, l'OMS et votre station de radio locale.